habitué à la banlieue, à la fixité située. Là où le mal est fait à croire qu'on est tous habités par le mal. Par ça le va mal. Plus en plus mal plus en plus. Parce mal. Que tout le monde a la dalle et envie de se gaver, se casser, lasser, d'enlever nos lacets, de passer par le poste des popachas et de se revoir au parloir. À faire pleurer nos remèdes, à ça on est habitué. On s'habitue pas à être enfermé, ni à faire du tarmi. Mais à nickel maton gradé, tous des grades. D'une affaire tu passes à deux, en moins de deux. À travers une troisième affaire, on fait ce qu'on a à faire du ferme, on se la ferme, on assume. On vient pas s'apitoyer sur notre sort, mais plutôt sortir ce qui passe à travers la gorge. Comme d'être habitué à vivre à 15 dans un 3 pièces. Pourquoi se contenter de pièces quand y'a du pied à prendre? Hey, faut que ça paye. Ziefta, tu connaissais pas? Mais maintenant c'est fait. Bleu et 9-4 blocs, par habitude je représente les blocs. Hey, habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici, on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos vies, nos villes par habitude. Habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici, on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos villes par habitude. C'est par habitude qu'on est tenté d'éclater les temps. Tout ce qui tente de nous mettre des pièges tentants. Le rap que t'entends est ganté, la graine de rap est plantée. On vient récolter tout ce je te rappelle que tout s'y mentait. C'est par habitude qu'on croit plus les hommes assermentés. Trois pituettes menottées, ma vie monotone. On court après l'oseille, prétend y vérité comme automne. Ça y est, je crois que tu m'entends. C'est par habitude qu'on sous-estime mon aptitude à rapper dans le temps. Trois pits, tu entends. Hey, hey, t'as pas quelque chose. Voilà pourquoi mes grosses mettent à vendre du shit à grosse dose. Vas-y, demanda, m'emmène Ziefta. Si ici pas, on s'habitue aux lettres et au mandat. C'est par habitude qu'on prend des sales habitudes. Mon attitude dans la vie de rapper sans faire d'études. Habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos villes par habitude. Habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos villes par habitude. Habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici, on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos villes par habitude. Habitué, catalogué par habitude. Pour s'en sortir ici, on compte pas que sur les études. On veut faire des rimes autant que l'on veut faire des thunes. On représente nos villes par habitude. Ziefta, dans mon macré 9394, choix des armes. Par habitude, règle.